إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، est-ce que vous avez eu l'occasion de réécouter le cours la dernière fois? Parce que je vais pas le... Vous avez le cours qui est sur le site, Inch'Allah, pour revoir dessus. On était arrivé, en fait, qu'est-ce qu'on avait vu dans les catégories de tawhid, de polythéisme, de mécréance et d'hypocrisie. On s'était arrêté sur l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Question: qu'est-ce que la foi en Allah? Définition. Là, ça doit être direct. Déjà, combien y a-t-il de piliers dans les piliers de la foi? Croire en l'unicité d'Allah, au livre. Croire en Allah, croire au livre, croire au prophète, envoyé par Allah, non, et au messager. Non. Au destin, en bien et en mal, et non. Au jour de la résurrection. Croire au destin, bon ou mauvais, mais il provient d'Allah. Croire au jour dernier. Ouais, au livre. Naam, qu'est-ce qui manque là? Les anges. Croire en Allah, croire aux anges. Croire au livre révélé par Allah. À tous les croire à tous les prophètes envoyés par Allah. Au destin bon et mauvais. Croire au destin bon ou mauvais, mais provient d'Allah. Et puis, le jour de la résurrection. Croire au jour de la résurrection. Et donc, qu'est-ce que l'iman billah, la foi en Allah, premier pilier de la foi, définition? Déjà, dès qu'on dit définition, ça c'était dans le cours que je vous avais. Je ne sais plus si c'est dans le cours 1 ou là le 2, d'ailleurs. Ça doit être direct. Vous devez avoir, comme si que vous voyez, lorsque vous prenez des notes. Qu'est-ce que la foi en Allah, ça? Ouais, foi en Allah. Lorsque vous prenez des notes, ça doit être comme ça. Parce que j'ai mis mon crayon papier là. Alhamdulillah, Moustan. Hein? Moi je veux la définition claire. Je veux pas de tourner autour du pot. C'est-à-dire, je vous dis, c'est quoi la foi en Allah? Tac, tac, tac, tac. Ça doit être comme ça. Premier tiré, deuxième tiré, troisième tiré, quatrième tiré. Ah. Vas-y, va le chercher. Je crois que tu en auras besoin, sinon, Inch'Allah. Alors, l'ahsan. J'avais réécouté en plus le cours là pour me rappeler, là, parce que ça faisait depuis dès janvier, hein, ce cours-là. Et justement, tu avais posé une question justement sur ça. Définition de la foi en Allah. C'est loin l'attribut. Ah, on se rapproche, oui. C'est les trois catégories de... Exactement, barakallahu fik. Déjà, il y a combien de points dans les croire en la foi en Allah? Trois. Il y a quatre points. Et la question qu'avait posée l'Hassan, c'était concernant mais l'existence d'Allah, croire en l'existence d'Allah, attention. Donc c'est croire en l'existence d'Allah, d'accord? Et puis, les trois autres, c'est quoi? C'est Aqsam al-Tawhid. C'est les catégories du pur monothéisme. Dans la seigneurie. C'est-à-dire croire. Dans sa. Al-Iman bi-Wahdaniyat Allah fi rububiyyatih. Croire en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Al-Iman bi-Wahdaniyat Allah bi-Asma'ihi wa Sifati. Dans ses noms et ses attributs. Et les actes et les adorations. Dans ses noms et attributs. Et puis. Dans l'adoration. L'adoration. Croire en l'unicité d'Allah. L'iman bi wahdaniyatillah fi uluhiyatihi. Croire en l'unicité d'Allah dans l'adoration qui doit lui être vouée. Exclusivement à Allah seul. D'accord ? L'unicité, l'unicité, l'unicité, c'est vouer exclusivement qu'à Allah. La seigneurie, c'est, pour résumer, ce sont les choses que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Il est unique en cela. C'est le seul créateur. Seul Allah Azza wa Jal peut créer. Seul Allah Azza wa Jal peut répondre à l'invocation de celui qui l'invoque. D'accord ? Seul Allah Azza wa Jal peut faire ce qu'il veut. D'accord ? Donc, pour répéter pour le frère Youssef, Inch'Allah, la foi en Allah, donc, elle, sa définition, elle a quatre points. Premier tiré, c'est croire en l'existence d'Allah Azza wa Jal. Deuxième tiré, c'est croire, après les trois autres, ce sont les catégories de monothéisme, c'est-à-dire. Deuxième tiré, c'est croire en l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Troisième tiré, croire en l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Et quatrième tiré, croire en l'unicité d'Allah dans l'adoration qui lui est vouée. Ça, c'est la foi en Allah. C'est-à-dire que maintenant, lorsque vous disiez quelle est la foi, les six piliers de la foi, c'est quoi ? C'est croire en Allah. Donc, croire en Allah, c'est quoi ? Ce sont ces quatre points-là. D'accord ? Et on a déjà vu dans le cours numéro 1 que vous trouvez sur le site. Donc on a déjà vu l'unicité d'Allah dans la seigneurie, et ça, pour résumer, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il est unique dans les actions qu'il fait. C'est le seul créateur, c'est le seul qui pourvoit la subsistance, c'est le seul qui donne, c'est le seul qui retient, qui peut retenir un mal, ou c'est le seul qui peut retenir un mal, ou c'est le seul qui peut donner un bien, ou infliger un châtiment, ou yani, toutes les actions d'Allah Azza wa Jal, d'accord ? Ou donner la subsistance à ses créatures, faire ce qu'il veut, répondre à l'invocation de celui qui l'invoque, d'accord ? Yani, toutes les, et ça résume en fait toutes les actions, qu'Allah Azza wa Jal, il est unique dans cela, d'accord ? Allah Azza wa Jal, il est unique dans cela. C'est le seul créateur. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut créer. Regardez, un individu, ils ne peuvent pas. C'est impossible, t'imagines ? C'est impossible comme ça, là, qu'à partir de rien, il crée, que les gens créent quelque chose à partir de, tu vois, un individu à partir de... Mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit une chose soit, elle est. Il est unique dans cela. C'est le seul créateur, mais elles sont toutes liées. Étant donné que c'est le seul créateur, c'est lié à l'unicité dans l'adoration. C'est le seul créateur, alors tu ne l'adores que lui, tu ne l'invoques que lui. Il est unique dans cela, dans l'adoration. Il n'a pas le droit, il est interdit de lui associer ou d'invoquer autre chose, donner un droit d'Allah Azza wa Jal, l'associer à quelqu'un d'autre, à une créature, soit qui est morte, ou soit qu'il mange et hachait comme qu'il va aux toilettes après. Subhanallah. Et il dit, c'est son shir, comme on avait vu la dernière fois. Et allez, invoquez-nous et puis hop, on va sortir nos mains et on va vous sauver avec nos... Il le met au même niveau d'Allah, il le met plus que Subhanallah quand même. D'accord ? Donc, croire, on avait vu aussi un point dans l'unicité, dans la seigneurie, c'est que croire que Allah Azza wa Jal est le créateur, ce n'est pas suffisant pour être un musulman. Ouais, pourquoi ? Parce que les mouchriquines, les polythéistes, qui étaient du peuple du prophète Mohammed sallam, de Quraysh, eux, ils croyaient qu'Allah était leur créateur. On avait vu les différentes preuves dans cela. Et si Allah Azza wa Jal dit au prophète Mohammed sallam, lui révèle, et si tu les questionnes, qui vous a créé ? Ils répondront, c'est Allah. Ils savaient qu'Allah était leur créateur. Mais le fait qu'ils se tenaient qu'à cela, eh bien, leur sang n'était pas sacré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. D'accord ? Il les a combattus. Il les a ordonnés. Il leur a ordonné d'unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Parce que qu'est-ce que ça impliquait cela ? Ça implique qu'ils se doivent de mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, s'il se mettait à mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ça voudrait dire qu'ils ne pourront plus adorer leur statue. Mais eux, comme on le verra plus tard dans le cours, eh bien, c'est qu'ils aimaient leur statue comme ils aiment Allah. Ils sont tombés dans shirk al-mahabba, comme on verra, l'associationnisme dans l'amour. Ils aimaient leur statue comme ils aiment Allah. Ils pensaient qu'en adorant ces statues-là, ils allaient se rapprocher d'Allah. Ils n'ont pas renié l'existence d'Allah. Ils n'ont pas renié qu'Allah est le créateur. Non, ils y croient ça. Mais ils ont refusé de mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah et que cette adoration-là ne soit vouée qu'à Allah Azzawajal. Ils ne voulaient pas faire cela. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été en guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. D'accord ? Déjà, il y avait justement une erreur dans le tawhid dans la seigneurie. Parce que tawhid dans la seigneurie. Naam. Dans Rububi. Non, mais c'est, non. Eux, ils croyaient en ce tawhid-là. Mais justement, le fait de vouer. Mais eux, ce qu'il y avait, c'est que leur problème, c'était dans tawhid al-Uluriya, dans l'adoration. Pas dans tawhid al-Rububi. D'accord ? Donc, et comme j'avais dit plusieurs fois dans les cours, alors, à quelqu'un qui vient et puis il prétend faire la da'wa et puis il dit oui, c'est de croire qu'Allah est le créateur, que la ilaha illallah, ça veut dire croire qu'Allah est le créateur. Celui qui dit que la ilaha illallah, ça veut dire que de croire qu'Allah est le créateur, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Mauvaise interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il n'y a pas de science. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, oui, ça c'est clair, il n'y a pas de science, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le problème, il est où ? Pensez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les a combattus. S'il dit ça, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a combattu. Il s'est passé non, pour un... Non, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait combattu des gens qui auraient été musulmans. Ah ouais. Parce qu'ils croient qu'Allah est leur créateur. Et lui, il vient, il te dit, la ilaha illallah, ça veut dire c'est d'enlever la mauvaise certitude remplacée par la bonne et c'est de croire qu'Allah est ton créateur. Alors, si les gens croient que la ilaha illallah, ça veut dire que de croire qu'Allah est le créateur, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu des musulmans. A'oudhu billah. Les kuffars de Quraysh qui croyaient qu'Allah était leur créateur, ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Donc, vous voyez, c'était un autre problème que les sectes égarées parmi Jama'at al-Tablir notamment, ils ont cette ignorance-là et ils parlent avec ignorance, c'est ça le problème. Ils disent que même ça, c'est encore un autre problème par les soufis. Eh bien, ce sont des soufis aussi, eux, mais non, ça. Qu'Allah les guide. Et s'ils ne les guident pas, qu'ils leur brisent leur dos, parce qu'ils font des dégâts dans la communauté. Alors les gens, ils vont passer 15 ans, 20 ans avec Jama'at al-Tablir et ils ne connaissent rien du Helm. Ils vont propager en même temps tout ça. C'est énorme. Le mec, il a passé 15 ans. La personne, elle a, subhanallah, l'individu, le jeune, il a passé 15 ans avec Jama'at al-Tablir. Et tu lui poses la ilaha illallah comme question, la ilaha illallah, ça veut dire quoi ? Il ne sait même pas. Mais tu as fait quoi pendant 15 ans ? Il ne s'est pas occupé de sa famille, il a délaissé sa famille, il est passé parti 4 mois, 3 jours, je ne sais pas quoi. Subhanallah. Au bout du compte, qu'est-ce qu'il a ? La ilaha illallah, la première chose que tu dois apprendre, il ne le connaît même pas, il ne le comprend même pas. Wa anna Muhammad Rasulullah. Il ne le connaît même pas et il ne le comprend même pas. Parce qu'il aurait compris « Wa anna Muhammad Rasulallah ». Il se serait désavoué des innovateurs. Parce que le prophète n'a jamais dit ça. Parce que ceci n'est pas la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une voix égarée qui a été inventée en 1926. Ça, c'était l'unicité dans la seigneurie. On avait vu l'unicité dans la divinité « Tawhid al-Uluhiyya ». Et c'est à ce sujet-là qu'il y a eu discorde, on avait vu, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. C'est le fait que l'individu, il fait des offrandes à pour un mort, voilà, pour autre qu'Allah. Il a espoir en quelqu'un, il a confiance en quelqu'un, il a peur de quelqu'un, il s'en remet à autre qu'Allah. Tout cela, c'est du polythéisme, c'est du shirk. D'accord ? Alors que l'unicité dans la divinité, Tawhid al-Uluhiyya, c'est justement le contraire de ce que je viens de mentionner. C'est-à-dire que l'invocation, les actes de dévotion, le vœu, l'offrande, l'espoir, la peur, s'en remettre à Allah, avoir confiance, l'amour, l'effroi, le repentir, tout ça, ce sont des actes d'adoration du cœur qui doivent être voués qu'à Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et donc, on avait mentionné les différentes preuves dans cela. On avait commencé, donc, Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. D'accord ? كما قال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. La traduction du sens des versets dit il est Allah un, Allah est le seul à qui nous adressons nos prières, il n'a pas enfanté, il n'est pas enfanté et rien ne lui est égal. وقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui blasphèment ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Et Allah Azza wa Jalla dit wa qala ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'est rien qui lui soit égal et il entend et voit parfaitement toute chose. Rien n'est égal à Allah Azza wa Jalla, rien ne lui ressemble. Il est unique dans ses noms et attributs. Là, ce qu'il y a, c'est que barakallahu fikum, on va voir notamment ce qu'avait expliqué le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhullah dans son livre Aqidat al-Tawhid. Et on avait déjà mentionné certaines shubuhat, d'accord ? Déjà, on avait vu, les preuves du Coran, de la sunna sur le fait qu'il faut confirmer les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Concernant les noms, voilà, c'est ça. Barakallahu fik. Il y avait 80. On connaît 99 noms. Mais on avait vu, on avait expliqué le hadith, qu'il n'y avait pas que 99 noms. D'accord ? Voilà. Donc, que Allah Azza wa Jal. Exactement. Ça, on l'avait expliqué. Barakallahu fik. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué dans le cours numéro 2. Et donc, ce qu'il y a, c'est que man ahsaha, ça voulait dire quoi dans ce hadith-là ? D'accord ? Donc, à Allah, 99 noms. On avait vu dans ce hadith-là, c'est que ça voulait pas dire qu'il n'a que 99 noms. On l'avait expliqué avec un autre hadith. Et celui qui les mémorise, mais c'est pas mémorisé dans le sens où est-ce que les gens croient que tu mémorises 99, c'est bon, tu rentres au paradis. Exactement. D'accord ? Il y en a, ils croient que c'est ça. Tu mémorises 99, tu rentres au paradis. Comme le fait que tu dis les lala, tu pries pas, tu vas aller au paradis. Donc, c'est pas ça en fait. C'est. Tu dois connaître les noms d'Allah Azzawajal, tu dois les comprendre, méditer dessus et les mettre en application. Tu vois ? Donc, tu sais qu'Allah Azzawajal, c'est As-Sami'a, comme on avait donné comme par exemple. D'accord ? Son nom, c'est As-Sami'a. Chaque nom, on avait dit qu'il avait son attribut qui lui réfère. Et As-Sami'a, c'est-à-dire l'audient, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla a cet attribut-là, c'est qu'il entend. Et le fait qu'il soit unique, pourquoi on dit l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, parce que Allah Azza wa Jalla, il est unique dans cela. On va dire, nous, on s'entend, d'accord ? Mais on se rappelle de l'autre verset dans sourate Ash-Shura, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. D'accord ? Et il est l'audient, l'omniscient. Yani le celui qui voit tout et celui qui entend tout. D'accord ? Donc rien ne lui ressemble. Nous, on entend là avec nos oreilles. Et on disait lorsqu'on mentionne pour Allah Azza wa Jalla, on dit pas Allah Azza wa Jal nous entend et puis on montre notre oreille. Ouais. D'accord ? Parce que rien ne lui ressemble. Comme la main. Allah Azza wa Jal sait ce qu'on dit là. Mais Allah Azza wa Jal sait également ce que nous on n'entend pas là. Là les voisins là. Omar. On ne sait pas. Ouais, Omar. Omar là qui est à côté qui est en train d'enseigner l'arabe. On ne sait même pas ce qu'il dit. Et on ne sait même pas si les élèves sont en train de l'écouter ou pas, ou s'ils sont en train de parler entre eux. Et si, admettons qu'ils sont en train de parler entre eux, on ne les entend pas. Et les voisins qui sont à côté, on ne les entend pas. Et ce qui est dit au bled, on ne sait même pas. Qu'est-ce qui se passe dans la houma où est-ce qu'on habite ? On ne sait même pas. Subhanallah. Donc c'est-à-dire que, certes, nous on peut entendre, mais Allah Azza wa Jal, il est unique il dans le fait que Allah Azzawajal, il est unique dans cela qu'il entend, c'est-à-dire qu'il entend tout. C'est-à-dire que si toutes les créatures, depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, tous ils se lèvent et invoquent Allah Azzawajal avec pour leurs propres besoins, pour selon chacun sa langue, d'accord, Allah Azzawajal sait qui a dit quoi et qui veut quoi et qui demande quoi. Alors que nous, vas-y, alors on peut faire une expérience très facile. Tout le monde parle ensemble. Ça va faire un brouhaha comme ça là. Et puis on sait même pas. Alors qui c'est qui a dit quoi? Je sais pas. Qui c'est? C'est peut-être. Je sais pas qui a dit cette parole là. Parfois on entend, hein? Parfois, il y a cet exemple là. Quelqu'un dit quelque chose, par exemple dans une classe. Et le prof il dit, qui a dit ça? Hein? Si on parlait pas tous en même temps. On ne sait pas qui a dit quoi. Subhanallah. Ça, c'est si une personne dit quelque chose, on ne sait pas qui. Au-delà de ça, c'est ce que tout le monde pense. D'accord. Ouais. En plus de cela, Allah Azza wa Jal sait qui dit quoi et qui pense quoi. D'accord. Et si tout le monde parlait, alors regardez, je ne sais pas combien de milliards là, ouais, sur toute la planète, Allah Azza wa Jal sait chacune des personnes ce qu'elle dit. C'est-à-dire que moi, je parle là, dans un autre endroit, les gens parlent, au même moment qu'on parle, Subhanallah, Omar parle, tout le monde parle. La science n'a pas de limite. D'accord. Et ce qu'il y a, c'est qu'Allah Azzawajal sait exactement qui dit quoi. Donc Allah Azzawajal, il est unique en cela. On comprend maintenant l'unicité d'Allah. Pourquoi on dit il est unique dans cela, dans ses noms et attributs. D'accord. Et on va voir en fait les shubuhat, qu'il y a certains groupes qui ils mettent ces shubuhat là. Pourquoi ils sont devenus des Ash'ari là? Pourquoi ils sont devenus des Maturidi, hein? Pourquoi ils sont devenus des Jahmi, hein? Pour soi-disant par crainte de... ils ont voulu faire bien, soi-disant, et puis ils ont dit, non, attends, il ne faut pas qu'on dise que... parce que la créature a fait telle chose, on ne veut pas dire que Allah Azzawajal aussi fait cette chose-là, ça voudrait dire... Donc c'est pour ça que notamment le Jahmi, ils ne croient ni au nom, ni aux attributs. Ils ont dit, pour éviter de faire des ressemblances. Subhanallah, ils ne lisent pas le Coran, hein? Ouais, c'est un truc de... Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Eh bien, justement, barakallahu fik, c'est-à-dire que tu sais qu'Allah Azza wa Jal entend tout. Fais en sorte que ce que tu dis n'oppose pas ce que tu fais. Ce que tu dis plaît à Allah. Ce que tu dis plaît à Allah. Que tu ne tombes pas dans la riba ou la némima. Ou bien parler sur un tel ou un tel. Ouais. Femni, comment que tu appliques ça? Comment que tu adores? Alors toi, tu vas délaisser parler sur les autres. Pourquoi? Parce que tu crains Allah Azza wa Jal, tu sais que c'est un péché majeur. L'individu, s'il ne se repent pas d'un péché, il tombe sous une menace le jour du jugement dernier. Il tombe sous la volonté d'Allah. Soit Allah lui pardonne de par sa miséricorde, soit il le châtie de par sa justice. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Qu'est-ce que fera de nous Allah Azza wa Jal? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait dit à ses sahaba: je ne sais pas ce que fera de moi Allah Azza wa Jal, excepté s'il me couvre de sa miséricorde. Ça, c'est la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit ça. Alors, nous qui sommes à des années-lumière, subhanallah. Donc, comment, vous voyez comment l'application directe, Es-Samir, on sait qu'Allah Azza wa Jal est l'audient, il entend tout. On fait en sorte que notre langue, ce qui est dit, eh bien, plaît à Allah Azza wa Jal. Tout ce que sort de notre bouche plaît à Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, il y a un hadith authentique qui dit que si ce que tu as à dire veut dire du bien, autrement tais-toi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit: Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, quiconque croit en Allah et au jour dernier, falyaqul khayran aw liyasmut, qu'il dise un bien ou se taise, ou fi riwaya aw liyaskut. D'accord? Qu'il dise un bien ou se taise. Si tu sais que tu ne vas pas dire un bien, tu te retiens. Tu t'es retenu pourquoi? T'as patienté pourquoi? Pour plaire à Allah Azza wa Jal. Alors là, on met en application, hein, l'attribut As-Sami' d'Allah Azza wa Jal. Le nom As-Sami' l'attribut c'est As-Sama'. D'accord? Donc là, on a mis en application ça. D'accord? Barakallahu fikum. Ça, c'était un exemple. D'accord? Donc, on s'était arrêté Donc on avait vu l'épreuve du Coran et l'épreuve de la Sunna, d'accord, qu'il fallait confirmer, d'accord, confirmer les noms et attributs d'Allah Azzawajal sans les changer ou modifier leur sens ou quoi que ce soit. D'accord ? Ce qu'Allah Azzawajal dit, on le dit. Le comment, on dit, on ne sait pas, Allahu a'lam. D'accord ? Comme l'imam Malik rahimallah a dit, on utilise toujours cet exemple-là, mais c'est un très bon exemple. Cet homme-là qui est venu dans la mosquée de l'imam Malik, à Médine, et lui a dit, Allah Azzawajal dit, qu'il est établi, qu'il est élevé au-dessus. L'istiwa, c'est pour l'ulou. Qu'il est élevé au-dessus de son trône. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. D'accord ? L'istiwa, il a dit, Allah Azzawajal nous affirme sur l'istiwa, le fait que l'istiwa, c'est l'ulou, c'est l'élévation d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal est élevé au-dessus de son trône. Allah Azzawajal, où est Allah ? Où est Allah ? Fi s-sama. Voilà, sahih muslim. C'est-à-dire que si on te dit, c'est quoi la preuve ? Sahih muslim. D'accord ? Sahih muslim, c'est la femme de, l'esclave de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui pensait libérer cet esclave-là parce qu'il l'avait giflé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette femme esclave et lui a dit, Ayn Allah ? Elle a répondu, Fis-sama. Fis-sama, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Fis-sama, ça veut dire au-dessus. Au-dessus des cieux. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il est au-dessus de la création. D'accord ? Mais en arabe, lorsqu'on apprend à nos enfants, Ayn Allah ? Il répond « Fis-sama ». D'accord ? Parce que ça, c'est le hadith. D'accord ? Lorsqu'on dit « Fil-ard », ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Al-al-ard ». D'accord ? Lorsque vous dites « Fil-ard », il n'est pas dans la terre. Telle chose est... on ne dit pas que telle chose est dans la terre. Mais on dit « sur la terre ». D'accord ? C'est pareil pour « Fis-sama », c'est pour « au-dessus ». Et Allah Azza wa Jalla, il est au-dessus de toute sa création. Parce que ce qui est au-dessus du septième ciel, c'est « l'arche », le trône. D'accord ? Et Allah Azza wa Jalla, il est élevé au-dessus de tout cela. D'accord ? Allah Azza wa Jalla, il est au-dessus de toute sa création. Donc d'ailleurs, c'est Ayat Kursi, justement, il y a un verset qui... verset du trône, hein ? Verset du trône. Mais, de toute façon, on trouve cela dans le Coran. D'accord ? Et... Attends, c'est bon, je dis que c'est pour... Alors, c'est pour revenir à ce que tu dis. C'est... Voilà. Alors... C'est, là, voilà. Barakallahu fik l'Hassan. Donc... Il lui disait, voilà, c'est connu l'istiwa. Il lui a dit, mais comment ? Il voulait savoir comment Allah Azza wa Jalla est élevé au-dessus de son trône. Et donc, l'imam Malik, rahimallah, il est resté un moment silencieux. Et il lui a répondu, l'istiwa, ma'loum. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla soit élevé au-dessus de son trône, c'est connu. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous l'a informé. Al-kayfiyya, majhoul. Le comment ? On ne le sait pas. Wassu'al Ali bid'a. Et questionner sur cela est une innovation. Et je te considère comme étant un innovateur. Donc, on confirme les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal sans rentrer dans le comment. Le comment, on ne sait pas. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit qu'il a des mains. On dit qu'Allah Azza wa Jal a des mains. Sans chercher, sans comment, est-ce que... Mais il est interdit de faire des parallèles et des comparaisons avec les créatures. Souvent, on reçoit, c'est ça. Non, mais ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Pourquoi ? On se rappelle du verset sur le Shura. Verset 11. Laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Donc, d'accord ? Et il est l'audient et... Celui qui voit tout, celui qui entend tout et celui qui voit tout. Donc, on avait vu les preuves donc, du Coran, de la Sunna, pour confirmer cela. Maintenant, وَأَمَّا الدَّلِيلَ الْعَقْلِ On s'est arrêté là. وَأَمَّا الدَّلِيلَ الْعَقْلِ عَلَى ثُبُوتِ الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا الشَّرْعَ فَهُوَ أَنْ يُقَالَ Donc là, le shir, il dit, quelles sont les preuves maintenant, là, de la raison. On a vu le Coran, la Sunna, là, même la raison, elle te prouve, d'accord ? Sur cela. Il dit هذه المخلوقات العظيمة على تنويعها واختلافها وانتظامها في أداء مصالحها وسيرها في خطاتها المرسومة لها تدل على عظمة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته. Donc il dit, observe les créatures, d'accord ? Les créatures, leur diversité qu'il y a, la diversité de ces créatures-là. Regarde, parfois, juste tu penses, le caméléon, comment il change de couleur ? Où est-ce qu'il marche ? C'est-à-dire, il marcherait là, il changerait, à peine qu'il met... Il touche une chose, une couleur, il commence à prendre cette couleur-là. Selon, regarde la diversité des poissons dans l'eau. Regarde la diversité des animaux. Regarde la diversité des humains. Différentes couleurs, différentes, subhanallah. Différentes façons de penser, différentes, subhanallah. Différentes couleurs de peau, différentes, subhanallah. La galaxie en elle-même, les styles de vie et tout. Les subhanallah, mais regarde la nature, regarde les fleurs. Regarde les insectes. Regarde les oiseaux. On n'a pas tout découvert. Subhanallah. Rien que tu vois cela, tu te dis subhanallah. Une couleur, parfois, tu vois certains poissons d'aquarium, tu vois des couleurs. Allahu Akbar. L'arc-en-ciel. Subhanallah. Que soit l'arc-en-ciel, que soit... Mais regarde, yani juste tu vois la diversité de toutes ces créatures-là et comment elles agissent pour subvenir à leurs besoins ou se protéger. Ou se protéger, ou se... Il y a des papillons pour se protéger de leur, du prédateur. Donc, en fait, ils épousent là la couleur du tronc de l'arbre. Yani, si bien que tu vois, si tu ne fais pas attention, tu ne vois pas le papillon. Et il a, là, il a, subhanallah, la couleur du... Subhanallah. Il y a un poisson, comment ça s'appelle ? Je crois que c'est le tétrodon, ça ? Celui qui gonfle pour se protéger. D'accord ? Il a une toxine. Et lorsqu'il se sent agressé, il gonfle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est petit comme poisson. Et lorsque il y a le prédateur qui vient en se gonflant... Eh bien, il peut plus, d'une part, il peut plus le mettre dans il peut plus le manger, quoi, tu vois. Et subhanallah. Et si bien que ça fait fuir, subhanallah. Yani, et il y a des milliers, des millions, et des subhanallah, d'exemples. Mais déjà, rien que tu vois cela, qu'est-ce que ça prouve, ça ? Un créateur. Ça prouve déjà de la grandeur et de la puissance et de la sagesse, et de la science, et de la volonté, et de celui qui les a créés. Et même dans l'infiniment petit, le cerveau en lui-même, il est plus complexe que toute la grande... Regarde le cerveau, les milliards de connexions. Plus complexe que la galaxie en elle-même. Est-ce que tu arrives à penser des milliards de connexions ? Dans un petit... Des milliards. Déjà, on parle de milliards de personnes. Tu vois ? Ici, là, dans cette mosquée, on peut pas mettre 500 personnes, non ? Même si tu lui mets debout, peut-être 1000 personnes, tu peux. Moi, je te parle de milliards. Ouais, c'est vraiment... Pensez, le filament d'ADN. L'ADN. Vous entendez en parler, l'ADN. D'accord ? L'ADN, subhanallah, vous savez sa taille, elle est de combien ? Elle est de 1m20 lorsque tu le déroules. 1m20, ça fait 1m20. Ça. C'est la taille d'une molécule d'ADN. Et vous voyez ce que je vous ai fait ? Ça, 1m20, c'est la taille d'une molécule d'ADN. Regardez au niveau de la peau, là, il y a des cellules. Oui. D'accord ? Ce qui est en surface, ce sont les cellules mortes. D'accord ? Et à chaque fois, elles se régénèrent. Alors la cellule qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu, elle contient dans son noyau microscopique 1m20 d'ADN. Wow. Ouais, bah, 1m20, subhanallah. Dans un micro, même pas qu'on voit à travers les lignes. Yani, Allahu Akbar. Moi, je vous dis, barakallahu fikum, juste tu médites, tu vois, tu médites sur la création d'Allah, azza wa jal, tu vois, et là, subhanallah, ça relie à quoi? Ça relie à l'attribut d'Allah, azza wa jal. La sagesse, la puissance, la science, la volonté qu'il a, la perfection d'Allah, azza wa jal. Yani, vous voyez, donc rien qu'en utilisant la raison, yani vous confirmez ces attributs-là. C'est-à-dire qu'aucune créature ne peut faire ça, c'est impossible. Non. Deuxième point, l'in'am, wal-ihsan, wa kashf ad-durr. Donc le don, le fait, la bonté, le fait qu'il enlève le mal, wa tafrij al-kurubat. Et le fait qui soulage en fait les maux. هذه الأشياء تدل على الرحمة والكرم والجود. Cela, eh bien, prouve donc qu'Allah Azza wa Jal donne, qu'il est bon, qu'il enlève le mal, qu'il soulage les difficultés. Eh bien, tout cela prouve la miséricorde. D'accord ? Et la générosité d'Allah Azza wa Jal et la bonté d'Allah Azza wa Jal. وَالْعِقَابْ وَالْإِنْتِقَامْ مِنَ الْعُصَاتِ يَدُلَّانِ عَلَى غَذَبِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكَرَاهِيَتِهِ إِلَهُمْ. Le fait que Allah Azza wa Jal inflige un châtiment ou bien inflige un châtiment aux pécheurs, ceci prouve la colère d'Allah Azza wa Jal sur eux et le fait qu'il les déteste. D'accord ? Allah Azza wa Jal, qu'on dit, l'aulia, les bien-aimés d'Allah, Allah Azza wa Jal, il aime les croyants et il aime ceux qui supportent sa religion et il aime ceux qui œuvrent dans sa religion et il aime ceux qui lui vouent un culte exclusif qui ne lui associe rien et il déteste le shirk. Et il déteste le kufr. Et il déteste les mécréants. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde, vous voyez l'attribut, regardez, c'est-à-dire même avec la raison, pour confirmer les attributs d'Allah Azza wa Jal, eh bien il leur donne le rizq à ces mécréants-là. Et malgré cela, malgré leur kufr et leur shirk, il leur a envoyé des prophètes et envoyé des messagers pour leur montrer la voie du paradis. Vous voyez ? Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc, vous voyez la colère d'Allah Azza wa Jal. Le fait qu'Allah Azza wa Jal châtie les pécheurs, d'accord ? Cela, tout cela fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. Wa ikram at-ta'i'in wa ithabatuhum yadullani 'ala ridha Allah 'anhum wa mahabbatihi lahum. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal honore ceux qui lui obéissent. D'accord ? Eh bien, cela est une preuve qu'Allah Azza wa Jal est satisfait. D'accord ? Cela prouve la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et l'amour qu'il a pour eux. On se souvient de ce verset dans Surat Ali Imran. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يحببكم الله. D'accord ? ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم الله. Là, il a utilisé même par la raison. Et moi, j'ai rajouté aussi là le verset dans Sourate Ali Imran. Que l'amour, eh bien, fait partie d'Allah. L'amour est un attribut d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Allah Azza wa Jal aime ceux qui se mettent à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui aiment Allah Azza wa Jal et qui veulent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Donc là, on avait vu les preuves du Coran, de la Sunna et même de la raison qu'il fallait confirmer les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Thaniyan minhaj ahl sunna wal jama'a fi asma'illahi wa sifatihi. Deuxième point, on va voir là maintenant la méthodologie des gens de la sunna et du consensus concernant les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. concernant les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal sur les يعني concernant les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal منها جهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم إثبات أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة وينبني منهجهم على القواعد التالية. Donc il dit, quelle est la voie des gens de la sunna et du consensus concernant les noms et attributs d'Allah ? Eh bien, la méthodologie des gens de la sunna et du consensus, parmi les pieux prédécesseurs et ceux qui les ont suivis, c'est de confirmer les noms d'Allah et ses attributs, comme cela a été mentionné dans le Coran et dans le livre, c'est-à-dire le Coran, et la sunna. Et la méthodologie des gens de la sunna et du consensus se base donc sur ces règles-là. أنهم يثبتون أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها وما تدل عليه ألفاظها من المعاني ولا يؤولونها عن ظاهرها ولا يحرفون ألفاظها ودلالتها عن مواضعها. Donc il dit, premier point de la méthodologie des gens de la sunna et du consensus, c'est qu'ils confirment les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, comme cela a été mentionné dans le livre et la sunna, du sens apparent. D'accord ? Et tout ce qui est prouvé donc dans le sens apparent et dans la prononciation que l'on le dit. D'accord ? Istiwa, c'est istiwa, c'est pas istaula. D'accord ? Lorsqu'on dit istiwa, un exemple, eh bien on dit qu'Allah Azza wa Jal, oui, istawa ala al-arsh, est élevé au-dessus de son trône. Mais on ne va pas changer le sens, ou on ne va pas le prononcer différemment. D'accord ? On ne va pas le prononcer différemment, ni changer le sens. D'accord ? Parce que là, ça veut dire tout autre chose et des choses qui ne sont pas correctes pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône, ça c'est l'istiwa. Mais istawla, ça veut dire qu'il n'avait pas de pouvoir dessus, puis il s'est mis à avoir un dessus dessus. Il s'est mis à avoir un pouvoir dessus. D'accord ? Et ceci, ce n'est pas correct. Donc, comment ? Donc, c'est qu'il confirme les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, d'accord ? Confirme son sens apparent. D'accord ? Si Allah Azza wa Jal dit qu'il a deux mains, on confirme qu'Allah Azza wa Jal a deux mains. Sans chercher comment, sans faire de parallèle avec les créatures ni rien. Mais, on ne change pas le sens en disant que non, faut pas penser les mains, ouais, mais faut penser, ça veut dire la puissance. Donc en fait, l'opposé de tout ça, nous, alhamdoulilah, on accepte ça sans aller chercher plus loin. Mais ceux qui vont chercher plus loin, le pourquoi du comment, ils tombent dans l'innovation, même dans la mécréance. Ils tombent en fait dans, oui, dans la mécréance pour certains groupes d'entre eux. Parce qu'il y en a, ils acceptent et ils acceptent pas. Et ils tombent dans des innovations, parce que ça, ce n'est pas la voie des gens de la sunna, ce n'est pas la voie des pieux prédécesseurs. Ce n'est pas la croyance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des sahaba. D'accord ? Ce n'est pas cette croyance-là qui rapporte une preuve du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou des sahaba qui définissaient les mains d'Allah comme étant un pouvoir. Yani, mais ça, c'est venu, ça, yani, bien après, hein, d'accord ? Avec les Mu'tazila, jamais, ça, comme on verra par la croyance au livre qu'on a rappelé tout à l'heure. Alors, ça fait partie de la croyance au livre qu'on a rappelé tout à l'heure, la croyance au livre. Non. Tu dis qu'Allah Azza wa Jal a des mains, il a des mains après. Si tu lis, oui, donc tu crois au livre, oui, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, tu sais très bien comment que ça fonctionne. Il va te dire, ah oui, mais non, mais moi je le comprends pas comme ça. Moi. Voilà, subhanallah, tu lui dis, mais Allah il dit ce, dit ça, ah oui, mais non, mais moi je le comprends pas comme ça. Oh, mais il y a une divergence entre les savants. Mais Harry, pourquoi tu vas vers la divergence ? Va là où il y a, subhanallah, le consensus. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tashtami'u ummati ala dalala. Ma communauté ne se rassemblera pas sur un égarement. Donc pourquoi tu vas vers la divergence ? Va vers là où est-ce qu'ils se sont, d'accord ? Où est-ce qu'il y a un consensus ? Où est-ce qu'ils sont unis ? Parce qu'ils sont unis que sur le haq. D'accord ? On avait vu le premier point, d'accord, barakallahu fikum, c'est que les gens de la sunna et du consensus confirment les noms et attributs comme ils ont été mentionnés, d'accord ? Et ils mentionnent ce qui est apparent du sens, son sens apparent. D'accord ? Ce qu'Allah Azza wa Jalla dit, ils disent c'est comme ça. Ils ne vont pas commencer à essayer de modifier le sens ou quoi que ce soit. Allah Azza wa Jalla a dit ça, on dit Allah Azza wa Jalla a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela sur Allah Azza wa Jalla. On dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans chercher à modifier ou à dire attends, je pense que. Non. D'accord ? Deuxième point. Yunfawna anha mushabahat sifat al-makhluqin, kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Deuxième règle, c'est que ils interdisent la moindre ressemblance avec la créature. D'accord ? Si tu vas lire des attributs d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, d'accord ? Ou des noms d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, directement, tu te dis que, comme après le Cheikh dit, كَمَا قَالَ تَعَالَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Le verset de Sourat Shura, verset 11, rien n'est comme lui, rien ne lui ressemble, et il est l'audient et celui qui voit tout. D'accord ? Donc ils interdisent la moindre ressemblance avec les créatures. Ils interdisent, donc ils invalident. D'accord ? Ils annulent toute ressemblance avec les créatures. D'accord ? Puisque, la preuve, c'est puisqu'Allah Azza wa Jal dit, rien ne lui ressemble. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. Rien ne lui ressemble. Si Allah Azza wa Jal dit quelque chose, on le confirme, mais sans essayer à faire des parallèles avec les créatures ou sans dire. D'accord ? Ça, tout ça, c'est pour la méthodologie de la sunna. Ça, c'est la méthodologie des gens de la sunna et du consensus. Naam. Ça, c'est la deuxième règle. Un exemple sur cela. Un parmi les pieux prédécesseurs, il s'appelait Abdelrahman ibn Mahdi, qui a trouvé un jeune dans un égarement évident. Ce jeune était en train de se poser comme question, comment est Allah ? D'accord ? Il disait, comment est Allah ? Il essayait de s'imaginer comment est Allah. Il l'a trouvé et il lui a dit, je te propose quelque chose. Je lui dis quoi ? Il lui a dit, on va essayer de comprendre déjà comment sont les créatures. Si on réussit à comprendre comment sont les créatures, alors oui, alors on pourra, si tu veux, essayer de comprendre comment est Allah. D'accord ? Il lui a dit, Allah Azza wa Jal mentionne que certains anges ont deux ailes, d'autres trois, d'autres quatre, d'accord ? Il a dit, on peut imaginer que l'ange qui a deux ailes, eh bien on imagine une aile à droite et une aile à gauche, d'accord ? Mais dis-moi celle qui a trois ailes. On peut dire une aile à droite, une aile à gauche, et la troisième aile, elle est où et comment fonctionne-t-elle ? L'équilibre. Donc là, il a eu un blocage, d'accord ? Il ne savait pas quoi répondre. Et il a dit, je me repens. Déjà, il n'a pas réussi déjà à comprendre déjà les créatures, comment elles sont, d'accord ? Et il a dit, je me repens du teshbih, c'est-à-dire de vouloir faire de... Essayer de, sachant que voilà, je vois comment on est et tout cela, et bien on s'imagine comment est Allah. Il a dit, je me repens de ce que j'étais en train de faire. D'essayer de savoir de comment était Allah. D'accord ? Ça, c'était à l'époque en plus. Ça, c'est pas les pieux prédécesseurs. Ils ont étudié le Baroda, je crois. C'est le Baroda. Non. Ah oui. Là. Trois cœurs. je sais plus combien de... Oh, c'est pas vrai. Une usine à gaz. Mais vous voyez les créatures, les créatures. Déjà, on ne comprend pas les créatures. Tu la vois même pas, Sabi, les Baroda. Tu la vois même pas. Il y en a une à la 8 cœurs. Subhanallah. Yani c'est yani déjà on comprend même pas les créatures. Et nous déjà le cerveau on comprend même pas. Ils ont bon dire ce qu'ils veulent jusqu'au jour d'aujourd'hui 2017, ils vont te dire oh on connaît 60%, mais tu connais rien. Quand tu as des milliards de connexions, tu connais rien. Tu peux pas me dire, eh bien, c'est là où est le problème. Subhanallah. Ou c'est ce neurone-là précis et tout cela. Tu peux pas me dire ça. Tu connais rien, alors. Juste, ah, je pense que c'est ce mécanisme-là. Maladie d'Alzheimer. D'accord ? Maladie d'Alzheimer. Alors, ils disent maladie. Mais scientifiquement parlant, on peut pas dire maladie. D'accord ? Ça, c'est, on va dire, c'est une vulgarisation du terme. C'est plutôt un syndrome. D'accord ? C'est plutôt un syndrome. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se passent. C'est pas par une maladie. Bon, ok, t'as un rhume parce que c'est ça, ça, ça. D'accord ? Là, il y a plein de choses qui se déroulent entre le cerveau qui se rétrécit, les destructions de neurones, la perte du langage, la perte de la mémoire. Pas de toute la mémoire. Ils perdent la mémoire proche, c'est-à-dire maintenant, là, je parle avec toi. Mais ce qu'il y a 20 ans, 40 ans, ils vont te donner dans le détail. Hein. D'accord ? Donc, oui, subhanallah, c'est-à-dire que... Il y a un frère qui nous a dit, concernant Alzheimer, j'ai écouté un chef, voilà, là, je ne sais pas d'où vient l'info, que les gens qui prient ne sont pas touchés par l'Alzheimer, subhanallah. Les gens qui ? Prient. Qui prient ? Allah, allez. Je ne sais pas si on peut utiliser ça comme une règle. C'est pas... On ne peut pas utiliser ça comme une règle, déjà. Je ne sais pas. C'est... On ne peut pas. Parce que le prophète, ça va avoir la seule dernière ligne. On n'a pas dit que c'est du cas. Apparemment, c'est une étude qu'ils ont faite sur les gens qui sont touchés par l'Alzheimer. Ils se sont rendus compte que les gens qui prient, en fait, en général, ne sont pas touchés par... Quoi qu'il en soit, c'est pas une maladie. Allah, non, mais c'est une maladie parce que la personne est malade. Mais c'est pas par exemple dans le langage, parce que c'est un syndrome. Il y a plein de destructions qui se déroulent. C'est plus compliqué que ça. Ensuite, la personne qui travaille son cerveau avec la mémorisation du Coran, en train de réciter tout cela. Il a moins de risques. Ils ont moins de risques. Après, c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Hein. Non. Ils ont moins de risques d'être touchés. Moins de risques. Après, c'est Allah Azza wa Jal décide que. Yani, c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Il parle en fait des gens qui ont moins de risques. Les gens aussi, il y a plein de bienfaits dedans, mais après, tu fais les causes. Et de toute façon, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'il y avait un traitement dans cela, c'est vrai. Il y en avait un qui avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, j'ai donné du miel parce qu'il avait un mal, je sais plus, un mal au ventre. Hein. Je lui ai donné du miel et ça a rien donné. Il n'a pas. Il a dit, eh bien, le fait que ça donne la guérison, eh bien, Allah Azza wa Jalla a dit la vérité, et c'est son ventre qui a démenti cela. Donc, là-dessus, il y a plein de narrations là, sur le miel. Non. Donc là, barakallahu fikum. Donc, premier point, on confirme. Sans rien changer, on confirme avec le sens apparent. D'accord ? Deuxième point, les gens de la sunna et du consensus annulent toute ressemblance avec les attributs des créatures. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Shura, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir, verset 11. Rien ne lui ressemble et il est l'audient et celui qui voit tout. Troisième règle des gens de la sunna et du consensus, لا يتجاوزون ما ورد في الكتاب والسنة. Donc le cheikh Salah Fawzan Hafidhallah dit, troisième règle, c'est que les gens de la sunna et du consensus ne dépassent pas ce qui a été mentionné dans le Coran et la sunna في إثبات اسماء الله وصفاته, dans le fait de confirmer les noms d'Allah et ses attributs. فما أثبته الله ورسوله من ذلك أثبتوه. Ce qu'Allah, le Très-Haut, et son envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont confirmé, eh bien les gens de la sunna et du consensus confirment cela. D'accord ? وما نفاه الله ورسوله نفاوه. Et ce que Allah, le Très-Haut, et son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ont invalidé ou annulé comme chose, eh bien, eux, les gens de la sonde et du consensus, eh bien, ils font la même chose. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سَكَتُوا عَنْهُ. Et ce que Allah, le Très-Haut, et son envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'ont rien dit sur une chose, eh bien, ils font pareil, les gens de la sonde et du consensus. Les gens de la sonde et du consensus, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se taisent. Là où Allah Azza wa Jal n'a rien mentionné, et là où son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a rien mentionné, eh bien, on s'arrête là. D'accord? Ça me fait penser au signe de la fin des temps. Il y a beaucoup de discours sur les signes de la fin des temps. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quelque chose, c'est que ça va se passer. Après, on commence à chercher quand est-ce que ça va aller, telle date, comme un petit peu. Non. Mais par exemple, ici, concernant les noms et attributs, Allah Azza wa Jal, d'accord, descend jusqu'au premier ciel. Jusqu'au premier ciel, dans le dernier tiers de la nuit. Nous, on dit, comme c'est mentionné dans le livre et la Sunna. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ici? Il ne faut pas faire quoi? Comment est la descente? Comment elle se fait? Comment? Donc, nous, on confirme, sans rien rajouter, sans rien diminuer. Donc là, les gens de la sunna et du consensus, première règle, ils confirment les noms et attributs d'Allah comme cela a été mentionné dans le livre et la sunna, en mentionnant le sens apparent. D'accord? Ce qu'Allah Azza wa Jal dit, ils le disent sans chercher à modifier, sans chercher à donner un autre sens. Le sens apparent, ils le disent. Ils le confirment sans chercher à savoir comment, etc. D'accord? Deuxième règle, ils invalident et annulent toute ressemblance avec les attributs des créatures. Comme le verset 11 de Sourate Shura. Rien ne lui ressemble. Parce qu'Allah Azza wa Jal le dit, rien ne lui ressemble. Donc, Allah Azza wa Jal a clairement mentionné que rien ne lui ressemble. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire des parallèles. D'accord? Ou bien dire, eh bien, Allah Azza wa Jal dit il a des mains, donc ça voudrait dire, est-ce que ses mains sont comme... A'oudou billah, ouais, il va pas là. Rien ne lui ressemble. On confirme... Tu dis A'oudou billah. D'accord? Le problème des bémols, c'est le fait de... On en est là. C'est le fait qu'il n'y a pas eu d'éducation islamique dès le début. Dès qu'on est petit, en fait. C'est le fait dans cette formation fortuite, c'est ça qui nous a... Non, mais on se posait des questions. Et ici, dès le plus jeune âge, c'est dans les on ne serait pas amené à poser ce genre de questions. Non, mais ça, c'est parce que c'est avec l'éducation. T'as le singe, il va donner un homme. Qu'Allah nous facilite la hijra, amin. Parce que dès qu'un il pense aux enfants, Allah nous ta'an. Plus ça va, plus ça devient dangereux. Là, ils vont leur introduire là, l'éducation sexuelle et tout cela. Audou billah. Qu'est-ce qu'un gamin de 7 ans à 8 ans a à savoir? Audou billah, subhanallah. Ils vont essayer de banaliser yani qaoum lout et tout cela. Audou billah. Qu'Allah nous facilite la hijra, amin. Quatrième règle, d'accord, pour rappeler, j'avais dit la deuxième règle, ils annulent, ils invalident toute ressemblance avec les attributs des créatures, puisque rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a dit, laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Troisième règle, des gens de la sunna et du consensus, ils ne dépassent pas ce qui a été mentionné dans le livre et la sunna, dans la confirmation des noms et attributs d'Allah. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal et son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont confirmé, eh bien, les gens de la sunna et du consensus le confirment. Et ce qu'Allah Azza wa Jal et son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont invalidé ou annulé, d'accord, eh bien, ils font de même, les gens de la sunna et du consensus. Ce qu'Allah Azza wa Jal et son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas mentionné sur telle ou telle chose, eh bien, les gens de la sunna et du consensus, ils font pareil, ils ne mentionnent pas, ils se taisent. D'accord ? نعم. كاتريام بوان يعتقدون أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يفهم معناه ويفسر وليست من المتشابه، فلا يفوضون معناها كما ينسب ذلك إليهم من كذب عليهم، من كذب عليهم أو لم يعرفوا منهجهم من بعض المؤلفين والكتاب المعاصرين. Donc il dit ici le cheikh hafidhahullah, quatrième règle, c'est qu'ils croient, les gens de la sunna et du consensus croient, que les textes concernant les noms et attributs font partie des textes qui sont clairs et non pas des textes qui peuvent porter à équivoque. D'accord ? Ce sont des textes clairs que tu peux, ça veut dire quoi ? Que tu peux utiliser comme preuve. D'accord ? Et qui ne fait pas partie des équivoques. Équivoque, ça veut dire quoi déjà ? Mutashabe, c'est-à-dire que ça peut avoir plusieurs sens. D'accord ? Il peut y avoir plusieurs sens, il peut y avoir... D'accord ? Ce sont des, tout, concernant les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla, ce sont les textes qui sont clairs. Il n'y a pas plusieurs sens. D'accord. Ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, c'est ça. D'accord. Il a dit qu'il a des mains, il a des mains. Il n'y a pas 36 000 sens. Mais l'équivoque, c'est le l'équivoque, c'est que ça peut porter à plusieurs interprétations possibles. D'accord. Mais les textes concernant les noms et attributs ne sont pas des textes à équivoque. D'accord. Ce sont pas des versets, ce ne sont pas des versets équivoques, mais ce sont des versets qui sont clairs que tu peux utiliser comme preuve. Comme preuve, d'accord. En plus, ils n'essaient pas de, yani les gens de la sunna et du consensus n'essaient pas de se, yani de se débarrasser de tel ou tel sens, d'accord, ou ignorer ce sens ou annuler tel ou tel sens. D'accord. Contrairement à ceux qui mentent sur les gens de la sunna et du consensus essaient d'attribuer à eux. Ou bien ceux que même ils connaissent même pas la méthodologie des gens de la sunna et du consensus parmi les écrivains contemporains. Donc, tout ce qui les textes relatifs aux noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla, ce sont des textes clairs qui ne sont pas des textes à équivoque, c'est-à-dire qui peuvent prêter à plusieurs interprétations. Non, ce sont des textes clairs. Ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, là, dans ces textes-là, ce sont des textes clairs. Ça, c'est contraire, Smahli, ça, c'est contraire au Asha'ira. D'accord ? Est-ce qu'ils vont te changer ? On avait dit, ils vont te dire la main. Non, ça veut dire la puissance. D'accord ? Et ils vont te dire, ah non, istiwa, non, c'est istaoula. C'est pas. A'oudou billah, a'oudou billah, a'oudou billah. Justement, dans la sourate Al-Kahf, quand Allah dit. Si vous rassemblez tout le monde, et même avec la mère, enfin, pour écrire les paroles d'Allah, personne ne pourra... Non, ça s'épuiserait avant même que... Non. Et donc c'est quoi le... Ça n'a pas un rapport, non ? Non. Là, c'était sur ce qui est mentionné dans les noms et attributs d'Allah. D'accord. Les textes mentionnés dans le Coran, ce sont des textes clairs. Ce ne sont pas des versets à équivoque. D'accord ? Versets à équivoque, ça veut dire qu'ils peuvent porter à plusieurs interprétations. Tandis que les textes des noms et attributs d'Allah dans le Coran ne portent pas à plusieurs interprétations. D'accord ? Ce sont des textes clairs. Cinquième règle, enfin, la dernière ici, barakallahu fikum. Yufawiduna kayfiyat as-sifat ila Allah ta'ala wa la yabhathuna 'anha. Ça veut dire que les gens de la sunna et du consensus ne rentrent pas dans le comment sont les attributs d'Allah. D'accord ? Comment est la main, comment... Ils interdisent cela. Ils annulent ce genre de réflexion-là. Ils l'annulent. Ils ne rentrent même pas dedans. Ça, c'est dans la règle. Tu ne rentres pas dans le comment. Interdit. D'accord ? Comme l'imam Malik, rahimallah, a dit. D'accord ? Al-istiwa ma'loum, wal-kayfiyya majhoul, wa-su'al Ali bada'a. Le comment, on ne le sait pas. Comment Allah Azza wa Jalla descend au premier ciel, on ne le sait pas. Comment sont les mains d'Allah Azza wa Jalla, on ne le sait pas. Comment Allah Azza wa Jalla est élevé au-dessus de sa création, on ne le sait pas. D'accord ? Donc, ils ne rentrent pas dans le comment. Et ils ne cherchent même pas à essayer de savoir comment. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous ne l'a pas informé. Donc, on n'a pas à essayer de rechercher dans cela. C'est là qu'on rentre dans l'équivoque si on commence à aller plus loin. On va commencer. C'est pas l'équivoque, là. En essayant de chercher dans cela, on va s'égarer, comme l'imam Malik avait dit. Oui, bien sûr. Rahimakallah. C'est une innovation de rechercher cela. Un équivoque, faut que j'aie dans le péché. Non, c'est pas ça. Il y a des. Non. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal mentionne qu'il y a des versets qui sont clairs. Et d'autres versets qui portent à équivoque. Ce qu'on sait que dans la règle, c'est que les versets mentionnant sur les noms et attributs, ce sont des versets clairs. Et non pas équivoques. Mais ceux qui sont inclinés vers l'égarement vont essayer de rechercher vers les versets à équivoque. D'accord ? Ils ne vont pas chercher quelque chose de clair. Ils vont chercher à équivoque. Donc ça, c'est autre chose. C'est un balaklofik. Donc la cinquième règle, c'est qu'ils ne rentrent pas dans le comment concernant les attributs d'Allah. Ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, ils le disent, ils le confirment. Ils ne modifient pas le sens et ils ne recherchent pas le comment. D'accord ? Et ils ne font pas de distorsion du sens. Pas de modification de sens. Pas de ressemblance. D'accord ? Pas de rechercher le comment, Naam. Ça ressemble au premier point, comment ? Ça ressemble au premier point un petit peu, non ? Le premier c'était. Il confirme les noms et attributs d'Allah, d'accord ? Par ce qui est apparent, le sens apparent, ça, il le confirme. Le deuxième point, c'est qu'ils interdisent toute ressemblance avec les créatures. Troisième point. Il ne dépasse pas ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna concernant ce qu'Allah Azza wa Jal a confirmé en termes de noms et attributs. D'accord ? On ne confirme que ce qu'Allah Azza wa Jal a mentionné et ce que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et il ne dépasse pas cela. Quatrième point, c'est qu'il croit que les noms que les textes concernant les noms et attributs d'Allah font partie des textes clairs. D'accord ? Que on peut comprendre son sens et on peut l'expliquer. Et que cela ne fait pas partie des textes qui peuvent porter à équivoque. D'accord ? Donc ils disent ceci est le sens et ceci, voilà ce qui est dit. Ils ne changent pas le sens de ce qui est mentionné dans ce texte qui est clair. D'accord ? Cinquième point. C'est qu'il ne rentre pas dans le comment. Est-ce que c'est clair ? C'est clair, Hassan ? Premier point, confirme les noms et attributs d'Allah, comme ça a été mentionné dans le livre et la sunna, leur sens apparent. Deuxième point, ils interdisent toute ressemblance. Troisième point, ils ne dépassent pas ce qui est dans le Coran et la sunna. D'accord ? Dans le fait de confirmer les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils le disent. Ce que Allah Azza wa Jal s'est interdit comme attribut et ce qu'il ne s'est pas mentionné comme attribut et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné sur Allah Azza wa Jal comme attribut, eh bien, il ne le mentionne pas. D'accord ? Les gens de la sonnée du consensus. Quatrième point, il croit que les textes concernant les noms et attributs font partie des textes clairs, qu'on comprend le sens et qu'ils s'expliquent. D'accord ? Et qui ne fait pas partie des textes équivoques. D'accord ? Et le cinquième point, c'est qu'ils interdisent de rechercher le comment. C'est pas le comprendre, c'est comment. Le comment. D'accord ? De savoir comment. D'accord ? Thalithan, ar-radd 'ala man ankara al-asma wa as-sifat wa ankara ba'daha. Donc là, on va voir en fait avec les différentes sectes qui se sont égarées. Troisième point, donc la réponse à ceux qui renient les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal ou qui ont renié certains d'entre eux. Alladhina yunkiruna al-asma wa as-sifat thalathat ansaf. Il y a trois types d'individus qui ont, de trois types de groupes qui ont renier les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Le premier, ce sont Al-Jahmiya, وهم أتباع الجهم بن صفوان وهؤلاء ينكرون الأسماء والصفات جميعا. Donc là, les Jahmiya, ce sont les suiveurs de Jahm ben Safwan, qui eux renient tous les noms et attributs. Donc là, ça revient un peu au cinquième fondement. C'est dans le cinquième fondement qu'on avait vu Cinquième fondement, de quel cours tu parles? Les six fondements. Ah, sur le sept, ah oui, on avait mentionné. Dans le, je ne sais plus si c'est dans le cinquième. J'avais fait une explication sur les Asharia et les Jahmiya et de cela. Ouais. Donc les Jahmiya, ce sont ceux-là qui renient. Donc ce sont ceux qui. Comment, pourquoi ils s'appellent Jahmiya? Parce qu'en fait, ils suivent Al-Jahm ben Safwan. Eux, ils ont renié tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. La deuxième secte, ce sont Al-Mu'tazila. Alors, d'où provient... Non, ça c'est encore autre chose. D'où provient Al-Mu'tazila? Al-Mu'tazila, wa hum atba' Wasil bin Ata. C'est un étudiant de Hassan al-Basri. D'accord? A'tazala majlis al-Hassan al-Basri. C'est pour ça, a'tazala Al-Mu'tazila. C'est-à-dire qu'il a délaissé les assises de Al-Hassan al-Basri. وهؤلاء يثبتون الأسماء على أنها ألفاظ مجردة عن المعاني. Eux, les Mu'tazila, confirment les noms comme étant dénués de sens. C'est-à-dire, ils n'ont pas de sens. Les noms d'Allah Azza wa Jalla n'ont pas de sens pour eux, d'accord? Donc, ils confirment les noms, ok, bon, Allah Azza wa Jalla dit ça, les noms, mais ils lui donnent aucun sens, d'accord? وَيَنْفُونَ السِّفَاتِ كُلُّهَا. Et ils renient tous les attributs. D'accord? Eux, ils croient au nom. D'accord? Ils croient au nom. Mais, ils croient au nom, c'est-à-dire quoi? Mais ils disent qu'ils sont dénués de sens, ils n'ont pas de sens. D'accord? Et ils renient tous les attributs. Les troisièmes, الْأَشَاعِرَ والماتوريديه. Donc l'Ash'ari, ce sont hum atba' madhhab Abi al-Hasan al-Ash'ari qabla rujou'ihi ila madhhab ahl as-sunnah wa lam yarja'u 'amma raja'a 'anhu fa intisabahum ilayhi ghayr sahih. Donc il dit le cheikh là ici, donc l'Ash'ari, ce sont ceux qui s'affilient à Abi al-Hasan al-Ash'ari, mais ça c'était avant qu'il fasse sa repentance, avant qu'ils se repentent et qu'ils reviennent vers la voie des gens de la Sunna. Mais eux, ils sont restés sur son passé. Ils ne sont pas mis à le suivre lorsqu'il s'est repenti. Mais, alors, il dit ça, ce n'est pas correct de les appeler comme ça. On a dit, il serait plus correct de les appeler des Kullabiyya. D'accord? Mais pas des Ash'ari, des Kullabiyya. Parce que lui, Abi al-Hasan al-Ash'ari, il a fait, il s'est repenti. Eux, ils ont refusé de le suivre dans cela, ils sont restés dans cela. Donc, ce n'est pas correct qu'il s'appelle comme cela. El Maturidiya, hum atba' Abi Mansour El Maturidi. Ce sont les suiveurs de Abi Mansour El Maturidi. Wa man tabi'ahum, et puis tous ceux qui les ont suivis, ha'oula yuthbitun al asma wa ba'd al sifat. Donc tout cela là, les Ash'ari et les Maturidi et ceux qui les suivent, ils confirment les noms et quelques-uns des attributs. وَيَنْفُونَ بَعْضُهَا وَالشُّبْهَ الَّتِي بَنَوْ عَلَيْهَا جَمِيعًا مَذَاهِبِهِمْ هِيَّ الْفِرَارْ مِنْ تَشْبِيهِ اللَّهِ بِخَلْقِهِ بِزَعْمِهِمْ لِأَنَّ الْمَخْلُوقِينَ يُسَمُّونَ بِبَعْضَ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ. Donc je vais le faire petit à petit parce que ce sera un peu long sinon. Donc il dit... Eux, là, tout cela, Maturidiya, Ash'ari et ceux qui les suivent. Donc, ils confirment les noms et confirment quelques attributs et renient d'autres. La shubha qu'ils ont, l'équivoque qu'ils ont eu, c'était quoi? C'est que, et sur quoi est bâti en fait leur madhab, la voie qu'ils suivent, elle est bâtie sur quoi? Sur le fait qu'ils veulent s'écarter de la ressemblance d'Allah Azzawajal avec sa créature. Vous voyez comment ils ont fait ce tchouba-là ? Ils ont renié certains attributs. Pourquoi ils vont dire « Ah non, parce que sinon, on fait ressembler l'attribut, par exemple, la main, eh bien, la créature-là, oh, Allah Azzawajal dit qu'il a des mains, donc ça voudrait... » Tu vois, ils ont dit, par sécurité, eh bien, hop, ils renient. Pour éviter de tomber dans la ressemblance. Ça, c'est une choubha qu'ils ont. Et il a expliqué comment les réfuter clairement. Donc, pour éviter, soi-disant, de faire ressembler... C'est ça, la vérité, parce que... Ouais, mais eux, soi-disant, c'est par précaution. Pour éviter de faire ressembler la créature au créateur, ils disent, allez hop, on ne croit pas à cet attribut-là. فَلْيُلْزَمْ مِنَ الْإِشْتِرَاكِ فِي لَفْظِ الْإِسْمِ وَالصِّفَ وَمَعْنَاهُمَا الْإِشْتِرَاكِ فِي حَقِيقَتِهَا. Donc là, ils disent, comment en fait ils ont bâti cette chouba-là, ils disent, donc, parce que il y a certains attributs que des créatures ont, et Allah Azza wa Jal est mentionné qu'il a aussi tel ou tel attribut. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ils disent, si on les prononce, ça voudrait dire, eh bien, qu'il y a, qu'on l'associe dans la prononciation et dans le nom de la chose. Par exemple, la main. D'accord ? Allah Azza wa Jal a des mains, et ils disent, et les créatures ont des mains. Donc, si on dit cela, eh bien, ça voudrait dire que c'est pareil. Il veut dire que c'est pareil. Eux qui sont tombés dans quoi ? Ils sont tombés. Donc ils disent par précaution pour éviter de tomber dans les ressemblances. Allez hop, on n'y croit pas. Comme ça. Et donc ils disent, eh bien, pour eux, ils considèrent que ce serait donc une association dans la prononciation du nom et dans l'attribut et dans son sens. Et son sens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'association en toute vérité. Enfin, l'association, c'est pas le shirk, d'accord ? Ici, c'est l'ishtirak, ça veut dire que ce sont les mêmes. En toute vérité, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que si tu dis cet attribut-là, que la créature a, et l'attribut dont le nom de cet attribut-là, que Allah Azza wa Jal a, ça voudrait dire que, en toute vérité, c'est la même chose. Donc, eux, ils ont dit, c'est pour ça que... Et ils ont dit, parce que si tu le prononces, tu vois, c'est que tu fais une ressemblance en toute vérité à la créature. D'accord ? Pourquoi quand ils disent le Coran, ils disent pas ce passage-là, non ? Je sais pas, est-ce qu'ils se taisent ou là, est-ce qu'ils... Non, Moustahan. C'est vrai, non ? D'accord ? Je disais tout en rage, mais qu'ils le lisent, le Coran. Donc eux, en fait... Non, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont te dire ? Ils vont le lire, mais ils ne vont pas croire que Allah Azza wa Jal a des mains. Ils lisent sans croire qu'Allah Azza wa Jal a des mains. Mais ils vont croire que... Non, ça ne veut pas dire les mains, ça veut dire la puissance. Tu vois ? Donc ils vont changer le sens là. Donc ils se sont tenus sur deux points. Imma ta'wil nusus al-asma wa sifat an zahiriha ka ta'wil al-wajh bil-dhat wal-yad bil-ni'ma. Premier point, soit ils se sont mis à donner des explications concernant les noms et attributs, hein, dans ce qui est apparent. Ils se sont mis alors à modifier le sens, à interpréter le sens. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à changer en fait le sens que ça, que le sens apparent. Ils ont changé le sens apparent. Allah Azza wa Jal dit qu'il a des mains ou qu'il a un visage. Eux, ils ont changé. Ils ont dit, le visage, en fait, c'est quoi ? C'est l'essence. C'est l'essence d'Allah. Et ils te disent, et la main, c'est la ni'ma. Yani le bien qu'Allah Azza wa Jal donne. D'accord ? Il donne avec... Le bien qu'Allah Azza wa Jal. Et puis les autres, là, les achats, ils vont te dire la puissance. Deuxième point, wa imma tafwid ma'ani hadhihi nusus ila Allah. Soit, eh bien, le sens de ces textes-là, eh bien, il est ils les ignorent, ils les invalident, ils ne veulent pas, hein, ils s'en échappent, ils s'en écartent. D'accord ? يقولون الله أعلم بمراده منها. Il dit Allah est le plus savant sur ce que ça veut dire ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il délaisse le sens apparent en disant Allah est le plus savant. Il te dit Allah Azza wa Jalla dit qu'il a des mains. Allah est le plus savant ce que ça veut dire. Il va pas te dire que Allah Azza wa Jalla a des mains. Toi, tu dois dire, Allah Azza wa Jalla a dit qu'il a des mains. Il a des mains. Voilà, ça y est, tu vas pas. Toi, tu rentres pas dans le commencer. Voilà, c'est comme nous. Voilà, c'est. Tu confirmes ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? C'est que ils disent, Allah wa alam, Allah est le plus savant. Est-ce que ça veut dire mais nous, on ne sait pas. Ils veulent pas dire le sens apparent que c'est. D'accord. Mais ça, c'est une choubra, ça. Comment ? C'est toujours pour pas de retour. Exactement. Parce qu'ils veulent pas. Parce que s'ils se mettent à dire des mains, alors eux, ils oublient le verset dans Sourate Shura. Verset 11, rien ne lui ressemble et il est l'audient et celui qui voit tout. Rien ne lui ressemble, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Rien ne lui ressemble. Laïsa kemithli shay. Confirme ce qu'Allah Azza wa Jalla confirme. Non, ils te disent, non, je ne veux pas dire que c'est écrit qu'il a un visage. Ok, je le lis, mais Allahu a'lam ce que ça veut dire. La main, Allahu a'lam ce que ça veut dire. Voilà. Donc soit il lui change le sens en lui disant, ça veut dire la puissance, ça veut dire la ni'ma. Pour la main, ou soit ils disent Allahu a'lam, on ne sait pas ce que ça veut dire. D'accord ? D'accord. Ah, c'est vraiment extrême. Il ne faut pas entrer dans le. Avec leur croyance, leur conviction que ce texte-là, cet attribut-là, d'accord ? N'est pas son sens réel. N'est pas son sens réel. D'accord ? Donc, ils croient que, par exemple, l'attribut qu'Allah Azza wa Jalla. C'est mentionné dans le Coran. Il croit que ce n'est pas son sens réel. Soit ils changent l'interprétation, soit ils disent Allah est le plus savant, ce n'est pas son sens réel, ça. D'accord ? Donc ça, ce sont des erreurs. Exactement. C'est-à-dire, en tombant dans l'extrême, on dit ce qu'Allah Azza wa Jalla dit, ce que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam dit, on le confirme. On n'enlève rien, on diminue rien. D'accord ? وأول من عرف عنه إنكار الأسماء والصفات بعض مشرك العرب الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. Donc les premiers qui sont connus pour avoir renié les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est certains parmi les polythéistes. Certains parmi les polythéistes. Comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction au sens du verset de Surat Ar-Ra'd, verset 30, ainsi nous t'envoyons dans une communauté que d'autres communautés ont précédée. C'est le verset qui a été descendu, révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les polythéistes qui ont renié les noms et attributs d'Allah. Donc c'était déjà eux qui étaient connus pour faire cela. Ainsi nous t'envoyons dans une communauté que d'autres communautés ont précédée pour que tu leur récites ce que nous te révélons, c'est-à-dire le Coran. Cependant, ils ne croient pas au tout miséricordieux. Wa sabab nuzul hadhihi al-aya anna quraishan lamma sami'at rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yudhkar ar-rahman أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. Et la cause de la révélation de ce verset là, c'est parce que lorsque Quraysh ont entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mentionner le tout miséricordieux, ils ont renié cela. Alors Allah azza wa jal, ils ont renié le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne le tout miséricordieux, ar-rahman. Ils ont renié cela et Allah azza wa jal a fait descendre. Et ils, cependant, qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Ils mécroient au tout miséricordieux. Ils ont renié le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne le nom d'Allah azza wa jal qui est ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ils ont renié cela, ils ont détesté cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il mentionne le tout miséricordieux. Et Allah azza wa jal a révélé la cause de la révélation de ce verset 30 de Sourate Ar-Ra'd. Cependant, il mécroit au tout miséricordieux. وذكر ابن جرير Ibn Jurayr avait mentionné que ceci s'est déroulé pendant le pacte de l'Hudaybiyah. حين كتب الكاتب في قضية الصلح الذي جرى بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قريش بسم الله الرحمن الرحيم أما الرحمن فلا نعرفه. Donc ceci a été donc ce s'est déroulé pendant le pacte de l'Hudaybiyah, d'accord. Lorsque il y a eu celui qui écrivait, d'accord, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le pacte yani de réconciliation, d'accord, qu'il y a eu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba avec les gens de Quraysh, donc le pacte qu'il y a eu entre les croyants et les kuffars, eh bien, celui qui écrivait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc commencé par écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quraysh a dit, donc le peuple de Quraysh avait dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ils ont dit le tout miséricordieux, on ne le connaît pas. D'accord. Wa rawa Ibn Jurayr aydan anna Ibn Abbas رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يقول يا رحمن يا رحيم فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Donc Ibn Jurayr avait aussi mentionné ce que Abdallah ibn Abbas radiallahu anhuma avait mentionné, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah azza wa jalla alors qu'il était en prosternation, d'accord, et il invoquait Ya Rahman, ô tout miséricordieux, Ya Rahim, ô très miséricordieux. Et les mouchriquines ont dit celui-là il prétend invoquer un seul alors qu'il invoque deux. Il prétend invoquer un seul alors qu'il invoque deux. Il dit ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux. Eux, ils croyaient que c'était deux différents. Donc Allah Azza wa Jal a révélé le verset de Sourate Al-Isra, verset 110, dans la traduction au sens du verset, dit invoquer Allah ou invoquer le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. D'accord. Donc ce qu'il y a, c'est que il montre ici par ces exemples là c'est que les premiers qui ont commencé à renier les noms et attributs, c'était les polythéistes de Quraysh. D'accord. Wa qala ta'ala fi sourate al-Furqan, et Allah azza wa jalla dit dans sourate al-Furqan, wa idha qila lahum isjudu lir-Rahman قالوا وما الرحمن. Verset 60, dans la traduction au sens du verset, et quand on leur dit prosternez-vous devant le tout miséricordieux, ils disent qu'est-ce donc que le tout miséricordieux. فهؤلاء المشركون هم سلف الجهمية. Ces associateurs là, ces polythéistes là, sont les prédécesseurs des Jahmiya. والمعتزلة والأشاعرة وكل من نفى عن الله ما أثبته لنفسه. Donc les mouchriquins là de Quraysh qui ont renié des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, ce sont les prédécesseurs des Jahmiya, des Mu'tazila, des Asha'ira et de tous ceux qui refusent, donc tous ceux qui enlèvent à Allah Azza wa Jal ce qu'il s'est confirmé. D'accord, qui lui refuse de lui, soit des noms, soit des attributs, d'accord. Ou bien ce que son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a confirmé concernant Allah azza wa jal, parmi les noms et attributs d'Allah azza wa jal. Wa bi'sa al-salaf la bi'sa al-khalaf. Et quel mauvais prédécesseur qu'ils ont eu, ces sectes déviantes, et quel mauvais suiveur que sont yani les tout cela, les Mu'tazila, les Jahmiya et tout cela. والرد عليهم من وجوه. Et comment on répond, comment on les refute cela. الوجه الاول ان الله سبحانه وتعالى اثبت لنفسه الاسماء والصفات واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فنفيها عن الله أو نفي بعضها نفي لما أثبته الله ورسوله وهذا محادة لله ورسوله. Donc il dit, premier, donc quel, déjà premier angle de réfutation de ces groupes qui essaient de renier des noms et attributs. Il dit, tout d'abord, Allah Azza wa Jal s'est confirmé des noms et des attributs. Et son envoyé, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, a confirmé les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui ne les confirme pas, ou qui les refuse, ou qui les accepte pas, ou qui les invalide d'Allah Azza wa Jal, ou bien qui invalide ou qui annule certaines d'entre elles, certains des attributs ou certains des noms, eh bien, il invalide ce qu'Allah Azza wa Jal a confirmé et ce que son envoyé Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam a confirmé. Et cela, c'est faire opposition et c'est faire front à Allah Azza wa Jal et à son envoyé. A'udhu billah. الوجه الثاني أنه لا يلزم من وجود هذه الصفات من وجود هذه الصفات في المخلوقين. Deuxième point, comme on les réfute, c'est que ce n'est pas obligatoire que ces attributs-là fassent partie des créatures. أو ما تسمي بعض المخلوقين بشيء من تلك الأسماء المشابهة بين الله وخلقه. فإن لله سبحانه أسماء وصفات تخصه وللمخلوقين أسماء وصفات تخصهم فكما أن لله سبحانه وتعالى ذات لا تشبيه ذوات المخلوقين فله أسماء وصفات لا تشبيه أسماء المخلوقين وصفاتهم والاشتراك في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة فقد سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم. Alors, tout ce qu'il dit ici, le cheikh, il dit quoi? Il dit, deuxième point, ce n'est pas obligatoire, le sens n'est pas obligatoire, que le fait que Allah Azza wa Jal mentionne qu'il a tel attribut ou tel nom, que la créature, ça veut dire qu'elle a le même attribut et le même nom. D'accord ? Il mentionne le fait que ceci, Allah Azza wa Jal, les attributs sont spécifiques à Allah Azza wa Jal. D'accord ? Parce qu'Allah Azza wa Jal est unique dans cela. Et les créatures ont des choses qui leur sont spécifiques. D'accord ? D'accord ? Que ce soit qu'Allah Azza wa Jal mentionne qu'il a des mains. Et que les créatures ont des mains, ça ne veut pas dire automatiquement que ce sont les mêmes mains. Non, parce que c'est spécifique à Allah. Ce qu'Allah Azza wa Jal s'est mentionné pour lui, c'est spécifique à Allah. Et ce qu'Allah Azza wa Jal a mentionné pour ses créatures, c'est spécifique aux créatures. Comme on parlait tout à l'heure, l'écoute et sama. Nous, on s'entend. D'accord ? On a cet attribut-là d'entendre. Mais nous ne sommes pas audients comme Allah Azza wa Jal l'est. Nous, on s'entend, nous, là. Mais on ne sait pas ce que, dans la classe, Omar dit. D'accord ? On ne sait pas ce que nos voisins disent. On ne sait pas ce qu'Obled dit. Ce que, dans le reste du monde, ils disent. On ne sait pas. Mais comme je disais tout à l'heure, que toutes les créatures, qui, du temps de Edem jusqu'à la fin des temps, se lèvent, ils disent, demandent leurs besoins. Ils disent à Allah Azza wa Jal, ils invoquent Allah Azza wa Jal. Et avec leur langue, Allah Azza wa Jal sait qui a dit quoi. Et quel est le besoin de tel ou tel. Donc, c'est ça, et barakallahu fikum, c'est que c'est pas parce qu'Allah Azza wa Jal mentionne un attribut qu'on se doit de confirmer. Un thabtu hadha, d'accord ? On confirme ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. Ce que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, on le dit. Mais on ne va pas dans comment, est-ce que c'est pareil, est-ce que... Non, il est interdit. D'accord ? Justement, on dit barakallahu fik exactement, on dit Allahu a'lam concernant le comment. On ne le sait pas. Mais concernant le sens, On dit que oui, Allah Azza wa Jal a dit qu'il a des mains, on dit oui, il a des mains. C'est ça l'apparence. C'est ça l'apparence. D'accord ? Ce sont les, ce sont les textes qui sont apparents, on le confirme. Voilà, exactement. On ne rentre pas dans ce, dans quoi est tombé Jérémie, le Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, oh non, au lieu de... L'opposé. Non, c'est la ni'ma, ça veut dire la ni'ma, ça veut dire la puissance, ça veut dire... D'accord. Non, pourquoi tu vas là ? Subhanallah. Dis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis ce que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. D'accord ? Donc il a dit, il y a des noms à Allah azza wa jal, ils sont spécifiques à Allah. Seul. Il y a des noms qui sont spécifiques aux créatures. Les noms qui sont spécifiques à Allah azza wa jal seul, c'est spécifique à seulement Allah azza wa jal seul. Et Allah azza wa jal est unique dans cela. C'est pour ça qu'on dit Tawhid al-Asma wa Sifat. Il est l'unicité. L'unicité, il est unique dans cela. Il est le tout miséricordieux. Il est le très miséricordieux. Mais il y a des gens aussi qui sont miséricordieux. Mais la miséricorde, barakallahu fikum, d'Allah azza wa jal, n'a rien à voir avec la miséricorde des gens. D'accord ? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit Arhamu. Man fil ard, ayez miséricorde avec ceux qui sont sur terre. Yarhamukum man fil sama. Celui qui est au-dessus des cieux aura miséricorde sur vous. D'accord ? Donc ça c'est le deuxième point. Ensuite, qu'est-ce qu'il mentionne aussi ? Il mentionne des points. Et là, yani comment il a argumenté cela, le shir, c'est bien argumenté dans le sens où il a apporté les preuves. Il a dit, regardez, ça c'est dans le Coran où Allah Azza wa Jal mentionne que, donc d'ailleurs avant ce point-là, il dit, donc ça veut dire que ce qu'Allah Azza wa Jal a mentionné dans le Coran concernant qu'il a tel nom, il est unique dans cela, c'est spécifique à Allah. Mais qu'il y a des créatures qui ont ce nom-là, c'est spécifique aux créatures. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, rien ne lui ressemble. D'accord ? Donc, ça n'implique pas que c'est pareil ou qu'il y a une association ou quoi. D'accord ? Ça n'implique pas cela. D'accord ? C'est pas comparable. D'accord ? Allah Azza wa Jal mentionne qu'il est celui qui connaît tout. D'accord ? Qu'il est doux. D'accord ? Et Allah Azza wa Jal a également mentionné que certains de ses serviteurs sont aussi, yani, Allah Azza wa Jalla a la science, certains de ses serviteurs ont la science. Mais la science d'Allah, Allah Azza wa Jalla est le plus savant. Il n'a pas de limite. D'accord ? Donc, le fait qu'Allah Azza wa Jalla mentionne que lui, il a la science, et que des serviteurs ont la science, ça ne veut pas dire que c'est la même science. Non, c'est d'accord ? Ce qui est spécifique à Allah, il est unique dans cela. D'accord ? Quelle heure est l'heure ? Ça va être l'heure, hein ? 13h03, d'accord. Je vais terminer avec... oui, parce qu'après il va rester, ça va être un peu trop long sinon. Est-ce qu'on prie ou bien est-ce qu'on termine les deux pages ? Ou sinon on va laisser les deux pages pour la semaine prochaine. On va s'arrêter, hein ? Je pense qu'il vaut mieux. Ouais, ou soit on prie, ou soit on termine après, comme ça on aura clos pour aujourd'hui, ou bien vous voulez, sinon on laisse pour la semaine prochaine. Ah, t'auras pas le temps toi ? Non, bah alors on va terminer là. Je vais terminer alors avec cette preuve là, ça va être mieux parce que sinon ça va faire trop. Barakallahu fikou. Donc, il dit, Allah Azza wa Jal a mentionné que il a la science, d'accord ? Mais il y a des créatures parmi ses serviteurs à qui aussi ont la science. Mais la science spécifique à Allah, elle est spécifique à Allah. Elle ne ressemble en rien à celle de ses créatures. D'accord ? Allah Azza wa Jal dit dans la traduction au sens du verset de 28 de Sourate Dhariyat, et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. D'accord ? Ya'ni Ishaq, c'est-à-dire Ishaq. Et il a mentionné un autre serviteur qui sera, qui est doux. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. D'accord ? Allah est Halim. Mais il y a des serviteurs aussi qui sont Halim. Mais le fait qu'Allah est Halim, ça c'est, cet attribut-là est spécifique à Allah. D'accord ? Et puis, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon doux, longanime, yani, la traduction. Yani Ismaïl, wa laysa al-alim kal-alim, wa lal-halim kal-halim. Ce n'est pas, yani, celui qui a le savoir comme Allah Azza wa Jal qui lui a tout le savoir. D'accord ? Qui a du savoir, mais son savoir est, yani, Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout. C'est spécifique à lui. D'accord ? وسمى نفسه فقال إن الله كان سميعا بصيرا. Allah Azza wa Jal a dit, en se mentionnant, qu'il est celui qui entend tout, l'audient, et celui qui voit tout. D'accord ? On n'appelle pas nos enfants El Samir. On l'appelle Samir, on l'appelle pas. Justement. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا. Et Allah Azza wa Jal a mentionné que certains de ses créatures sont Sami'an basira, qu'ils ont la clairvoyance et qu'ils entendent. Yani, inna khalaqna al-insan min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. D'accord ? Entendant et voyant. Cependant, ça c'est un attribut de la créature. Et l'attribut d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il est Samir et le fait qu'il est le Basir, comme on avait dit, Allah Azza wa Jal entend tout. Ah ouais. Tu vois, nous on s'entend là, mais on ne sait pas ce que les voisins disent et tout ça, etc. Il y a même nom, mais c'est après c'est le nom. Il y a le même nom, ouais, exactement. D'accord ? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est unique dans ses noms et ses attributs. Ce qui diffère donc des créatures. Les créatures ne ressemblent en rien à Allah Azza wa Jal. Nous, notre écoute est limitée. On s'entend là, mais on n'entend pas toute la planète. D'accord ? Alors qu'Allah Azza wa Jal entend tout. D'accord ? Et Allah Azza wa Jal voit tout. Alors que nous, on est limité. Il suffit que quelqu'un se met à 2 km, on ne le voit même plus. Donc, d'accord ? Alors qu'Allah Azza wa Jal voit tout, et il entend tout, et il sait ce qu'il y a dans le cœur. Alors que nous, on ne sait pas. D'accord ? Voilà, Kallahu fikum. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Faire l'Aden, inshallah, on va prier directement après l'Aden. Barakallahu fik.